Est-ce qu'on a des nouvelles de Sandra? Bah, elle est là. Elle est là. En fait, elle est en face Sandra. Ouais. Cassandro. Excusez-vous, j'arrive en retard. Oh, bah, je suis toujours en retard, Loa. Bon, je venais pour Halloween. Halloween? Bah ouais, c'est jeudi. Donc, comme jeudi Halloween, j'ai donc décidé, moi, Sandro, de vous faire une nouvelle chose pour que vous soyez bien avec vos amis et que vous leur fassiez peur aux enfants sans prendre des masques qui coûtent cher. Alors, c'est quoi? Alors, j'ai décidé de faire le monstre touch. Le quoi? Alors, Non. Le monstre touch, alors ça peut se faire, alors ça peut se faire soi-même. Hein. Alors, comment il faut avoir, alors, il faut d'abord une voiture. Si vous voulez, et puis vous vous prendre en photo, c'est le but du jeu. Hein. D'accord. C'est quand vous faites la grimace avec la touche, vous prenez la photo comme ça, votre enfant. Ah, c'est ça le monstre touch. Quel rapport avec la voiture? Démonstration, monte en voiture. Je démarre. J'attends que la voiture prenne, accélère un peu. Là. Donc, quand elle accélère et qu'elle prend un peu de vitesse, alors c'est la deuxième. Là. Quand elle accélère et qu'elle prend un peu de vitesse, j'ouvre la fenêtre. Vous voyez, j'ai mis une jupe, hein, parce que moi dans ma région j'ai mis une jupe. Je me mets comme ça, je la passe, et avec le vent... Regarde devant toi quand même. Et avec le vent... voilà, c'est le monstre touch. J'espère que vous n'avez pas oublié. Oh non. C'est dur à refaire. J'espère que vous n'avez pas oublié... Non, parce que je vais encore choper un rhume. J'espère que vous n'avez pas oublié de avoir prendre... les lèvres gercées. De prendre des photos, hein. J'espère qu'il y a des essuie-glaces. Je vous embrasse, genre, tout de suite. J'ai hâte de faire ça pour les fonds. J'aille prendre d'autres photos. Je retourne vendre mes machines à laver. À demain. La minute à Sandro. Allô, Sandra. Bonjour, Sandra. Sandra. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, allô. Je peux vous dire un truc? Oui. Bien sûr, Sandra. Oh, vous avez raison de me donner votre truc là pour les étoiles. Le télescope, pas. Ah, c'est ça, oui. Oh là là. Mais... ouais, ça fait une heure que je suis dessus, je commence à voir des étoiles. Sandra. Mais qu'est-ce que tu fais avec Sandra? Comment le télescope, c'est pour regarder les étoiles. Hein. Ah, j'ai eu du mal à lever, mais alors là, quoi? On est bien d'accord, le télescope c'est pour regarder dans le ciel. Tu le poses par terre et tu regardes dans le ciel avec. Et tu mets ton œil dedans. Ah, faut pas se le mettre. Non, faut regarder dans le petit trou, faut pas se le mettre dans le petit trou. Attendez, excusez-moi, attendez, bougez pas. Oh putain, c'est pas vrai. Ah! Ah pardon. Ah bah là d'accord, ah bah voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire alors maintenant? Mais c'est pas dans le monstre touch. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu mets l'œil au niveau du petit trou et tu regardes dans les étoiles. Je vois plus rien dedans. C'est normal. C'est un peu sale. Je vois plus rien. Ah non. Attendez. Tu les suis. Et normalement, avec ce que tu viens de faire, tu dois voir le petit camel. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une grosse bête au bout avec des potes. C'est énorme. C'est comme un crabe gigantesque. Il est énorme. Ah, c'est pas peut-être un morpion, non? Ah oui, il était de l'autre côté. Ah bah, alors finalement c'est tout petit, alors c'est beaucoup, on a... Bon bah laissez-moi, je vous dirai pour la nuit des étoiles comment ça marche. D'accord. Merci beaucoup.